femme pour durer. Oui, je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. La maison te paraîtra grande quand tu m'auras plus dans les jambes. Et tu verras que ce n'est pas si droit, on se cogne alors à des fontaines. N'avons pas besoin l'un de l'autre, au point de nous passer nos fautes. Notre aventure arrive au bout, le montre-nous. Tu voulais une faute là, non? C'est quelques mots avant le soir. Je ne voudrais pas partir trop tard. Cette fois c'est moi qui cherche une rime avec So Long ou Ciao Bambine. Nous avons tenté l'impossible, enfoui ce qui était vide. Dommage qu'on n'ait pas le cœur tendre, nous allions si bien ensemble. Mais je tiens à louer tous nos vains efforts. Oui, je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. La maison te paraîtra grande quand tu m'auras plus dans les jambes. Et tu verras que ce n'est pas si drôle, on se cogne toujours à des fantômes. N'ayons pas besoin l'un de l'autre, au point de nous passer nos fautes. Notre aventure arrive au bout, le souffle court, le ventre mou. Mais je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. Oui, je tiens à louer tous nos vains efforts. Qui nous soulève de terre, ne plus qu'un simple courant d'air, ni rage au cœur, ni vague à l'âme, rien à demander à Sœur Anne. Suis arrivé en bas de page, inutile d'en dire davantage, chacun reprend sa couverture et son caillou dans sa chaussure. Mais je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. Oui, je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. Oui, je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. Mais je tiens à louer tous nos vains efforts pour durer. C'est grâce à cet invité que vous entendrez dans quelques minutes. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Claude Lemels. Alors je m'arrête ici et je vous présente tout de go Zepka. À toi mon ami. Moche, j'ai roulé mon quota de galoche. J'ai tous les beaux mecs dans ma poche. Ils n'ont que moi dans leur caboche. Des fois ils me donnent envie, des fois je leur donne envie. Ils poivrent un peu ma vie, mais souvent ils m'ennuient. Lors je danse, je danse, je danse. Je m'offre un peu de romance Et je danse, danse, danse, j'oublie tout, je m'en balance. Les jours trop courts où j'ai du temps pour moi, je lis un livre, j'écris un film, les compliments pleuvent sur mon minois, mais personne m'aide à faire mon film. Alors quand j'en ai marre, je fais la tournée des bars, et bien après minuit, je finis en boîte de nuit. Et je danse, je danse, je danse, je m'offre un peu de romance. Et je danse, je danse, je danse, j'oublie tout, je m'en balance. Je suis vraiment, on ne m'aimerait sûrement pas autant. Si j'ai du noir autour de mes yeux, j'en ai bien plus sous mes cheveux. Alors quand j'en ai marre, je fais la tournée des bars, et bien après minuit, je finis en boîte de nuit. Et je danse, je danse, je danse, je m'offre un peu de romance. Et je danse, je danse, je danse, j'oublie tout, je m'en balance. Alors je danse, je danse, je danse, je m'offre un peu de romance. Et je danse, je danse, je danse, j'oublie tout, je m'en balance. Chansons. Encore, ouais, deux chansons. Avant le prochain album qui est pas en, que j'ai pas encore mis en route. Hein, mais que j'espère. En fait, c'est des chansons que tu as déjà. Ah oui, toutes les chansons, j'imagine que je les ai déjà ou qu'elles sont en cours ou alors que je vais. Mais as-tu le goût là-dedans de placer deux nouvelles chansons que tu viens d'écrire? Ben, j'aimerais bien, mais si tu veux, le temps de l'enregistrement, le temps de contacter les gens, d'enregistrer, que ce soit sûr que ce soit bien, okay. Ensuite de les masteriser, ensuite de tourner un clip, parce qu'aujourd'hui il faut un clip, de les sortir, de prévenir les médias, c'est un an avant minimum que tu fais le truc. Tu vois. Donc je peux pas te dire, là pour l'instant, honnêtement, je vais pas sortir de nouvelles chansons que je viens d'écrire, je pense avant les deux ans. Parce que c'est trop de temps. T'es-tu comme Pierre Perret, prendre plusieurs années souvent pour une chanson? Tu la laisses de côté, tu la fais mijoter, et Pierre Perret, ça peut durer 3, 4, 5 ans? Bah ouais, je te dis, c'est ce qui est arrivé pour Jeune et Belle, pour un peu des deux. Et une chanson comme Sans toi qu'il y a sur l'album, je sais pas si tu vois laquelle c'est. Ouais. Et ben Sans toi, la fin, ça fait comment? Cavale, tu sais mon vent c'est si troublant, ce vieux souvenir de Verval, d'Isère où l'hiver est si blanc, qu'au printemps des vœux s'y dévoilent, mon cœur est seul l'heure du bilan, après tant d'années de cavale, de nuit de veille en jour de l'an, ma vie est devenue banale. Eh bien figure-toi que ces deux derniers vers, de nuit de veille en jour de l'an, ma vie est devenue banale, il m'a fallu 15 ans pour les écrire. Et j'ai cherché dans ce quartier là, j'ai habité juste à côté. Pendant des années, j'ai habité juste là. Ah oui? Ouais. Et j'ai cherché là, partout. Je cherchais la fin de cette chanson. J'ai cherché. Tu marchais, tu errais. Je m'asseyais. Et après, j'avais plein d'autres chansons qui venaient. Mais régulièrement, c'était cette chanson que je voulais terminer. Je voulais la terminer. Bon. Et j'ai eu plein de fins. Salut, expérimentales. Mais comment elle est venue celle-là? Parce qu'on a décidé de la mettre sur l'album. Parce que Le Real voulait, la voulait sur la. Moi, je, au départ, elle n'y était pas, cette chanson sur l'album. Elle n'était pas terminée encore. Et puis, je sais pas, je la lui chante comme ça. Il fait, mais celle-ci, elle est super, il faut que tu la mettes. Sans toi, elle n'aurait pas dû être sur l'album. Et mais lui, il me dit, ouais, c'est mais super. Tu l'avais pas terminée encore. Et du coup, je n'avais pas terminé. Okay. Et du coup, bah, vu qu'elle allait être sur l'album, il fallait que je termine. L'urgence, et puis sa musique aussi, ça m'a inspiré. Enfin, sa musique, c'est-à-dire que la façon dont il a travaillé la chanson, ses arrangements, ça m'a inspiré. Enfin, j'ai trouvé la fin. Mais lorsque tu l'as trouvé, c'est libérateur. Ah ouais, content. Très content. Là, tu as trouvé ton joyau, comme je dis souvent. Très content. Hein. Mais c'est vrai que c'est très, très beau. Mmh. Ah bah merci, c'est gentil. C'est très beau. Mais voilà, j'étais soulagé, ça faisait longtemps que je la traînais. Donc, oui. Voilà. Mmh. Puis surtout que tu l'as libérée pour qu'elle puisse être connue et reconnue. Et en plus, elle est sur l'album. Oui, je la trouve en bonne position. Elle est en numéro 6 sur l'album. Je trouve qu'elle arrive bien. Je trouve qu'elle est chouette. Ouais. Je suis content de cette chanson. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons que tu veux plus faire ou que tu ne fais plus parce que l'intérêt n'est plus, parce que les choses ont changé ou parce que ton style n'est plus ce qu'il était avant? Ouais. Bah, il y en a plein. Toutes celles que je ne chante pas quelque part, c'est un peu pour ça. Mais veux-tu les placer dans un livre? J'aimerais les travailler en édition. Ok. Plutôt, là, la poésie, je dois t'avouer. Je dois t'avouer que pour moi, comme je travaille beaucoup la musique, pour moi, la chanson, c'est les deux hein, en même temps. Je sais bien que les textes sont intéressants, mais. Mais je sais pas, j'ai envie que ce soit musiqué, que ce soit qu'il y ait la musique en même temps. Donc, pour l'instant, je pense pas en faire un livre, hein, à vrai dire. Quelle musique écoutes-tu? Bonne question. J'adore écouter de la musique, mais le seul truc, c'est que quand j'écoute de la musique, je peux pas faire autre chose. Je suis pris par... mon attention est prise par la musique. Donc, en marchant, t'écoutes de la radio, t'écoutes tes disques? Non. J'écoute jamais des trucs en passant. Quand j'écoute un truc, c'est vraiment chez moi. Ok. Sur la sono ou sur les écouteurs, okay. Sur mon casque. C'est du sérieux. Ah oui, oui. Parce que quelqu'un s'est donné la peine de nous l'offrir, on va prendre le confort total pour l'apprécier. Écoute, je ne me dis pas ça à vrai dire, mais par contre, mon attention est happée en entier par. Je sais que je ne peux pas faire autre chose en même temps, j'ai déjà expérimenté. Et la musique pour moi n'est pas une activité en passant comme ça, un truc de fond. Ça ne meuble pas. Non, c'est un truc en entier. Ça c'est prend toute mon attention. Ah oui, c'est comme un film. On ne peut pas écouter un film en faisant du ménage. C'est ça. On doit s'arrêter. Puis... C'est ça. C'est, comme, ouais. C'est une bonne comparaison. Ouais. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu écoutes? Alors, bah, j'écoute bien sûr de la chanson, mais j'ai tout ce qui est pop hein, anglaise en France, hein, comme partout, la pop britannique, américaine, anglo-saxonne, comme on dit, a une place majeure. Bon, moi, c'est les Beatles, beaucoup. Beatles, Pink Floyd, énormément. Encore aujourd'hui, comme je les connais tous par cœur, bon, j'écoute bien sûr moins souvent, mais je suis très heureux d'y revenir. Après, j'écoute de tous les genres de musique. À vrai dire, j'ai une passion pour la musique classique, précisément, parce que chez moi, il y avait beaucoup de musique classique à la maison. Mon père jouait du piano, ma sœur aussi. Évidemment, bah, Bach, évidemment, Mozart, évidemment, Schubert. Enfin, Schubert, j'aime beaucoup Schubert. Alors Chopin, parce que le piano, c'est un piano, il a le nom de Chopin. C'est très classique, mais après j'aime beaucoup de monde. C'est-à-dire que Tchaïkovski, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un mélodiste de fou, quoi. Et je commence à apprécier Beethoven. J'aimais pas trop Beethoven, mais je commence à beaucoup apprécier Beethoven. Est-ce que ça prend l'âge pour apprécier Beethoven? Est-ce que ça prend certaines... Je ne sais pas, mais pour moi c'était violent. Ça m'énervait, j'avais envie de douceur et Schubert m'allait bien, vraiment. Et puis Mozart, ses facéties, j'aimais bien, sa facilité. Puis Bach, sa clarté. Sa clarté de. L'ouverture vers le monde. Extraordinaire. Ouais. C'était sa clarté mathématique, je dirais presque. C'est formidable, le Bach. Donc Beethoven est plus. Voilà, c'est plus tumultueux. Alors j'avais eu plus de mal. Jeune, j'avais besoin de plus de douceur, peut-être. De mélodie, tout ça. Et voilà, Beethoven, je commence à apprécier son caractère violent avec l'âge maintenant. Ouais. Et dans la chanson française? Alors là, j'écoute. J'ai grandi avec Renaud à la maison, ça, clairement. Renaud, pour moi, c'était mon enfance. Hein, et qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui, Renaud en spectacle? Est-ce que je suis allé voir Renaud en spectacle? Non, mais. Lui, il est encore sur place? Comment je peux te dire? Parce que je veux pas non plus. Est-ce que tu irais voir Renaud en spectacle aujourd'hui? Aujourd'hui, non, plus maintenant. Non, puis je l'ai vu en plus. J'ai eu la chance de le voir encore à peu près en bon état. À quel album? Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu Môme. Je l'ai vu Môme après. J'ai 100 ans. Putain de camion. Ah oui, oui, putain de camion, oui, à la mort de Coluche. Ouais, ouais. Et là, c'était super. Ouais. C'est un très bon souvenir. Il y avait un arbre sur scène. Ouais, ouais. Mais partout. Ouais. Ça, il était très bien. J'étais jeune, hein, mais j'en ai un très bon souvenir. C'était une idole pour moi. Donc j'étais très heureux. J'étais avec mon père qui m'avait emmené et tout. Et je l'ai revu à l'époque en 2003. Après qu'il a sorti, Docteur Renaud, Mister Renard, c'est ça, oui, oui, sur son avec Accelerate son bar, et tout. Son bar. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ouais. Et là, ça, il était super. Bien. Oui. Il était super. Oui. Et après ça, ça. Ah oui, après. Ouais, après fini. C'est fini. Ouais. Puis il avait même demandé. Il avait. je sais pas qui avait pensé à ça, de lui offrir des cours de chant. Oui, et, bah oui, ça fait longtemps qu'il aurait dû y penser. Oui. Mais bon. Non, mais je trouve pas, moi, ça donne un style. Ah oui, non, mais. Oui, c'est surtout qu'il a une diction. Oui. On ne se rend pas compte, mais quand on commence à chanter des chansons, à essayer de reprendre une chanson de Renaud, certaines sont très, très, très difficiles. Oui. Il a une diction, mais comme Gainsbourg, c'est-à-dire qu'il donne sa chanson avec magnificence. Quoi. Et comme je disais à un artiste aujourd'hui, on a juste à faire. On sait que c'est Renaud. Oui, en plus. Il a marqué, bien sûr. Ouais. Il y a toute une. Génération. Un univers qui lui colle à la peau, qu'il a créé lui-même. Hein, ouais. Le Loubard, le Banlieusard. En cloque. En cloque, ah ouais. En cloque, c'est, voilà, c'est. Ça fait partie des chansons. C'est un très bon exemple, en cloque. Que t'aimes pas? Ah, si, j'adore, okay. Non, je l'adore. Okay. Mais il se trouve qu'il a fermé le sujet. La chanson est tellement bien, elle est tellement iconique, elle était tellement bien vendue avec cet album et tout, que tu peux plus parler en tant qu'homme de la grossesse de ta femme sans qu'on pense à en cloque, ouais. Etc. C'est-à-dire que la chanson a pris tout l'espace du sujet, tellement elle est bien. Elle est devenue sociétale. Elle est devenue sociétale et on ne peut plus traiter ce sujet, nous, en tant qu'auteur de chansons, okay. On ne peut plus la faire. Il a épuisé le sujet. Et c'est Delanoé, c'est Pierre Delanoé qui l'a croisé, paraît-il, un jour. Renaud, il dit « Ah, mais Renaud, tu es un salaud parce que depuis que tu as écrit en cloque, on ne peut plus parler de ce sujet. » Donc je suis en train de dire un truc que Pierre Delanoé a déjà dit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Le tour, mais c'est merveilleux, ça. Ah ben, ça veut dire que le gars a cerné un thème, il l'a épuré, il en a pris tout le jus et il n'en reste plus pour personne. Oui, voilà, c'est ça. Et ça arrive rarement, mais ça arrive. Tu vois. Alors, si tu l'aimes tellement, il faut la reprendre sur scène. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais elle est très personnelle, parce qu'encore une fois, il parle de sa femme, c'est un moment... Et moi, lorsque je vois un spectacle et... Les jeunes chanter cette chanson-là et les femmes qui pleurent, je trouve ça tellement touchant. C'est vrai que moi j'ai pleuré. Moi j'étais avec ma copine à l'époque, en 2003, il a chanté et clairement on chialait tous. Hein. Ah, c'est fou. Impressionnant. Ah, les gens faisaient des chœurs, tout le monde. C'est une chanson qui. Ouais, qui vient te chercher. Ah ouais, incroyable. Vient te chercher. Ouais, ouais, ouais. Tu sais ma puce que j'ai grossi depuis le jour où nos égaux se sont séparés à Passy. J'en ai écrasé des mégots et je me consume en dépit. Les narines blotties dans ton châle, je n'ai pas froid mais c'est bien pire qu'attraper la mort au final. Sais-tu mon ange que je te vole en sommeil des baisers en masse? Et si tes cheveux au vent volent, à mes yeux c'est du temps qui passe. Si de guerre lasse je me console, si je tombe aux bras d'une rivale, je ne deviendrai pas un autre homme. Au fond, tu seras toujours ma femme. Tu sais, mon vent, c'est si troublant, ce vieux souvenir de Verval. 10 heures où l'hiver est si blanc, qu'au printemps des vœux s'y dévoilent. On caresse l'heure du bilan. Après tant d'années de cavale, de nuit de veille en jour de l'an, ma vie est devenue banale. Sais-tu, mon ange, que je te vole en sommeil des baisers en masse. Et si tes cheveux au vent volent, à mes yeux c'est du temps qui passe. Si de guerre lasse je me console, si je tombe au bras d'une rivale, je ne deviendrai pas un autre homme. Au fond, tu seras toujours ma femme. Oui, c'est ça. Non, à part Renaud, ah oui, à part Renaud qui d'autre, bah, moi. Non, non, tranquille, je pensais que c'était une erreur. À part Renaud qui d'autre, oui, moi je te voyais. À part Renaud, bah écoute, j'ai grandi aussi un peu plus tardivement, vers l'âge de 10 ans, j'ai découvert Barbara. Bon, comme beaucoup de gens de ma génération, hein, et tout le monde te dit Renaud Barbara, j'imagine, un sur deux, c'est Renaud Barbara. Barbara, bah pareil, formidable, ça, plus long, enfin tout de suite elle m'a happé. Mais il y a des moments Barbara et des moments sans Barbara. Il faut être ouvert à cette incroyable profondeur qu'elle a dans la voix. Elle te pénètre directement là, donc il faut être préparé mentalement à un tel bouleversement émotionnel. Ça vient de chercher quand même. Donc je peux pas écouter tous les jours Barbara, hein, ça c'est clair. Mais par contre, il y a des jours où je peux. Et je sais que je... Barbara. Ouais, dimanche, c'est ça. Voilà. Comme je t'avais dit, tes chansons ont des journées précises. Voilà, Barbara, et puis après, mais moi, Boris Vian, je l'adore. Boris Vian est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est, pareil, il a très peu vécu, très peu... 39 ans. 39 ans, il n'a pas fait tant de chansons que ça, mais elles sont super marquantes, ces chansons. Son univers est complètement unique. Ouais. On l'a repris beaucoup. Reggiani l'a repris, plein de Mouloudji. Ouais. Il y a même des versions du Déserteur, jamais en disque. Ben oui, en disque parce que je l'ai, mais je veux dire jamais proposé à la radio, chanté par Mouloudji. Avec le truc où à la fin il tue le gendarme. Mais c'est des trésors la musique. Ah oui, oui. Surtout quand Barbara restait avec Moustaki, puis Moustaki a malheureusement raconté les amours qu'il avait avec Barbara à travers une chanson, La Grande Dame en Brune. Non, c'est une autre chanson, Madame Nostalgie. Oui, Madame Nostalgie, oui. C'est épouvantable de régler ces... Oui, c'est pas chouette, ouais. Non, c'est pas classe. Et c'est tout, non, en plus, Madame Nostalgie a été chantée par Reggiani, qui est aussi un ex de Barbara. C'est deux hommes qui se sont ligués contre elle. C'est vrai. De toute façon, elle avait le monde entier contre elle, quelque part, Barbara. Elle a su le prendre avec elle, elle est formidable. Elle a une puissance mentale exceptionnelle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on nomme beaucoup d'hommes, mais c'est la femme qui est la plus nommée, renommée. Ouais. Et tant mieux. Elle est formidable. Et bon, c'est un exemple pour plein de chanteuses aujourd'hui. Hein. Ouais. Barbara est une source de... Une icône, une source d'inspiration, un exemple. En même temps, elles sont des chansons qui sont tellement simples, chansons d'amour, sans la solitude. Mais alors, je sais c'est pas. Sa vie, elle déchire sa vie, nous la présente. Hein. Avec le sang, la chair et surtout au Châtelet. Piano voix, la voix qui commençait à la quitter. Mm-hmm. Et Nantes, à travers tout ça, voix rocailleuse, c'est de toute beauté. Elle quittait le piano, elle allait parler au public. Depuis, c'est la seule qui avait un numéro de téléphone, on pouvait l'appeler en pleine nuit ou en plein jour pour raconter sa solitude. Il n'y a pas beaucoup d'artistes aujourd'hui. Hein? Pourquoi c'est parce que si elle avait ses insomnies et qu'il fallait bien qu'elle discutait avec les gens la nuit. Mais oui, mais c'est pas tout le monde. Je vois pas d'artiste. Je vois aucun artiste que je. En tout cas, vivant, qui dit en onde à la radio, ben si vous avez des problèmes, appelez-moi, je suis là pour vous écouter. Mm. Et. Mais pour dire, écoute, si vous avez des problèmes, je suis là pour vous écouter. C'est... En fait, elle raconte, hein, mais même en tournée, après ses concerts, elle accueillait les gens pour qui lui parlent. Et quand elle raconte ça, elle dit oui, bon, ben, il y a un moment, il fallait finir, parce qu'il fallait bien faire le concert le lendemain, il fallait bien se coucher, il fallait bien, c'est comme ça. Même ça dormait pas. Mais bon, elle tenait à le faire. Ouais. Elle a toujours pris le temps de parler à son public. Pour elle, c'est. Mais c'est ce qu'elle dit dans Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est tellement précieux pour elle qu'elle peut pas du tout les snober. Elle peut pas faire son coup de François. Puis au Châtelet, elle part et c'est le public qui chante cette chanson-là. Ah, j'ai dit... Oui, vas-y. Non, il paraît qu'un jour, elle était complètement à faune, en fait. Elle s'est présentée devant le public en disant « Je suis désolé, malgré mes médicaments, je sais pas quoi, je peux pas chanter. » Et puis, je sais pas, je sais plus ce qui s'est passé, mais le public a dit « Genre, c'est pas grave, on va chanter à ta place. » Et les musiciens ont joué et le public a chanté tout à fait vrai avec Barbara sur scène. Mais aujourd'hui, on fait ça pour un spectacle de Renault, hein. Ouais, c'est ça, oui. C'est fou, hein. Après le Phoenix, là, que j'écoutais, Hexagone, là, j'ai fait un montage à mon émission. C'est peut-être une réaction provocatrice. J'ai placé Hexagone, la version studio des années 80, avec la version Phoenix en spectacle. On m'a envoyé des courriels. Puis c'est parce qu'on l'entend plus, on sait même plus à quoi s'attendre de Renaud lorsqu'il ouvre la bouche, est-ce que ça va sortir et comment ça va sortir. Il vaut mieux chanter à sa place. Oui, mais à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter. Sans doute, oui, sans doute. Et c'est le public qui le veut. Si le public achète les places, écoute. Voilà. Hein. Ah, c'est fou. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Je sais pas, tu sais, moi j'ai beaucoup joué dans ce restaurant russe qui était là-bas, qui était à 5 minutes d'ici. Qui est maintenant fermé, qui s'appelait le chez Svetlana. Et donc, si j'étais un liquide, de la vodka. Ah ouais. Quelle sorte? Nature frappée, nature et bien, bien froide. Ah, bon, glace pure. Dedans? Non, mais qui sort du congélateur. Ah ouais. Vraiment bien froide. De la bonne vodka, mais c'est dans le congélateur. Et puis, est-ce que tu en bois souvent? Non, heureusement. Je serais peut-être pas là pour te parler. Ah, mais c'est traite, hein? Ah, bah non, oui, c'est traite. Si t'en prends plusieurs, si t'en prends trop. Mais t'en bois pas, t'en bois rarement? Oh, bah non, j'en bois très rarement. C'est festif pour moi, la vodka. Si tu étais une ville. Et bah, pareil, Saint-Pétersbourg. Ah, ouais. C'était mes premières amours, mes premières. Saint-Pétersbourg, c'est la ville pour moi de la. Si tu veux, pour moi, en fait, cette étincelle de la chanson. Est né avec ce voyage à Saint-Pétersbourg. J'ai fait du russe en troisième langue au lycée et la prof a fait un échange. Ils sont venus chez nous où j'habitais à Amiens, tu vois, nord de la France, hein, en Picardie. Et nous, ils venaient de Saint-Pétersbourg et nous, on est allés chez eux. Et c'était février, genre 94, un truc comme ça, 15, je sais plus. Et waouh, ça m'a complètement retourné le cerveau. J'ai trouvé ça magnifique, tellement différent comme pays. Les rues sont tellement larges là-bas, et puis il y avait de la glace, il fallait casser la glace sur les trottoirs, il y avait de la neige sale, un ciel gris très bas, et en même temps les gens étaient chaleureux. C'était encore post-soviétique, c'était pas du tout la Russie d'aujourd'hui, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Et il y avait encore cet esprit très, je sais pas, très fraternel entre les gens. C'était beau, hein, c'était. Et puis on chantait beaucoup avec les. Alors nous on chantait Piaf, et puis eux ils chantaient leurs chansons russes, tout ça. Donc ça m'a complètement éveillé à la musique et à la chanson, ce voyage. Et donc depuis ce temps-là, pour moi, le russe, la chanson, la mélodie, les paroles, l'amour, tout ça c'est mêlé. Et ça reste dans ta tête parce que ça me surprendrait que tu veuilles y retourner. Saint-Pétersbourg? Ouais. Ah bien sûr, si j'ai envie d'y retourner. Ah oui. Malgré tout, malgré les conflits, malgré... Ah oui, bah, ça va finir. Une guerre, ça peut pas durer 100 ans. Enfin, c'est... oui, oui, ça peut pas durer, c'est pas possible. Donc ça, je sais pas, là, bon, elle est partie pour durer quelques années, parce que les deux parties sont tellement antagonistes, ils ont tellement des buts de guerre qui sont opposés l'un à l'autre, que ça peut pas... Et puis aucun ne prévoit de perdre. Non, enfin, on a Poutine qui dérape aussi. Oui, mais bien sûr, mais en même temps, pour eux, enfin, tu vois, les Russes, pour eux, c'est existentiel. Ils ne peuvent pas laisser l'Ukraine partir. Donc, bon, eux, ils sont, de leur point de vue, ils se sentent menacés. Alors, c'est toujours pareil. Ah, mais l'Ukraine est beaucoup plus petite que la Russie. Oui, bien sûr, mais l'Ukraine, si tu veux, est dans le giron occidental maintenant. Et donc, pour eux, c'est un danger, pour les Russes. D'un point de vue russe, je parle pas de danger. Je dis pas que c'est un danger en soi, mais quand tu es russe et quand tu es. Dans l'armée russe, quand tu es dans le gouvernement russe, ils ont toujours pensé ça. Ils ont toujours, c'était un pays, on dit impérialiste, mais c'est un pays qui n'a pas de frontières exactes, en fait. Ils ont sans arrêt, et donc pour eux, le but, c'est de repousser les frontières le plus loin possible, parce qu'ils ont toujours peur, quelque part, d'être envahis. Ils ont été envahis par Napoléon, par les nazis, par... et bon, à chaque fois, ils s'en sont sortis, mais ils ont peur. Ouais. Ils ont peur. Ouais. Ça fait 6 millions d'années qu'on est colocs du même bocal. D'abord c'était l'égalité, la terre pour tous, c'était moral. J'ai été chouette, je t'ai laissé faire, mais t'as bouffé toutes mes copines. Tu te crois maline, de quoi t'as l'air? Je vais dire ce qu'en pense une langoustine. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise, il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Depuis le temps que tu squattes la place, que tu dévores tout, tu sers à rien, que t'es devenu une menace. Pour toi, pour nous et les martiens, on t'enverra des cartes postales quand tu seras morte et enterrée dans l'eau bénite des cathédrales. On priera pour toi sans pleurer. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise. Il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Avant toi, les grands dinosaures. Après toi, on ne sait pas encore. Avec un peu de chance, ce sera mieux. Mais il importe peu aux cieux de savoir qui vit en dessous. Eux, ils pleuvent ou bien ils font beau. Qu'on soit vivant ou dans les choux, eux, ça leur fait ni froid ni chaud. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise. Il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise. Il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise. Il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Allez, allez, l'humanité, fais ta valise. Il est grand temps de laisser l'eau aux crustacés et la savane aux éléphants. Si tu étais une langue. Eh ben c'est pareil. Là, j'ai encore resté sur le... Je te dis, ce restaurant russe où je chantais, qui était tenu par un Arménien, et pas loin, donc oui, moi c'est le russe, bien sûr. Bien sûr. Si tu étais une époque. Ah ça c'est plus quoi. Bah, j'ai envie de te dire les années 60. Hein. Les années 60, je trouve que cette. Ce basculement de mai 68, puis ce basculement de la musique qui est devenu d'un seul coup, enfin musicalement ça a été extraordinaire, la créativité des années 60 avec cette possibilité de moyens donnés aux artistes, d'expérimentation, ce qui n'est plus du tout, non voilà, c'est plus du tout, enfin ça a duré jusque dans les débuts des années 80 en gros, et puis après on a dit non, il faut faire de la thune. Quoi. Mais avant, l'industrie musicale était d'accord pour donner de l'argent dans des trucs complètement rocambolesques. Et ça, c'était une chance pour l'art. Et d'ailleurs, on en est heureux aujourd'hui. On écoute les disques de l'époque avec un bonheur. Et ça a très bien vieilli. Au niveau sonore, c'est merveilleux. Et puis ce qui est délicieux aussi, c'était le début. Tout était à faire. Ouais. Voilà, c'est les années 60 pour la créativité musicale. Si tu étais un mot. Un mot ? Allez, polysémie. Polysémie. Oui. Je lui ai dit que je n'avais pas mis d'alcool. Ce qui veut dire. Bah, ce qui a plusieurs sens. Ok. Comme ça, je m'arrête pas à un sens. Ah oui, oui, oui. Et puis, est-ce qu'il y a un sens dans le non-sens? Est-ce qu'il y a un sens dans le non-sens? Bah oui, ça veut dire que ça n'a pas de sens, donc ça a un sens. J'appelle Joséphine. Mais est-ce qu'on l'utilise souvent pour ne pas non plus s'arrêter et réfléchir sur le sens quand on dit ça n'a pas de sens? On laisse ça du revers de la main et puis on veut pas. Ça peut être. Tout dépend, mais ça peut être. Parce ça. Si on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Parce que nous, au facile, Québec, on a une expression qui dit c'est n'importe quoi. Ah ouais. Mais le ce n'importe quoi, c'est pas ça. C'est que je veux pas m'y arrêter, je veux pas y réfléchir. Alors c'est n'importe quoi. On met dans le n'importe quoi les choses qui nous surviennent, les choses qui viennent peut-être nous chercher pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est n'importe quoi. Alors dans le non-sens, il y a un certain sens. Un sens des fois qu'on veut pas se dévoiler à nous. Mm-hmm. C'est philosophique un peu. Non, mais... Oui, alors oui, mais bien sûr, si tu veux, parfois, c'est comme quand on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, tout simplement. Et on préfère soit être de mauvaise foi ou faire l'autruche, oui. C'est humain, hein, j'ai envie de te dire. C'est tout à fait humain. Puis en passant, l'autruche se plante même pas la tête dans le sable, c'est pas vrai, c'est un livre. Ah oui, j'ai jamais observé les autres. Ben, en fait, c'est un documentaire qui me l'a dit. D'accord, ok. Mais là, j'écoute plus de documentaires, on a des idées reçues, hein. Ah ben ça, tellement. Et il y a des documentaires qui brisent toutes les idées que l'on avait. Salaud. Ouais, ben, restons des enfants. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. J'ai travaillé longtemps, hein, parce que les gens comprenaient « animal ». Et avant, je disais « aliment ». Mais le « man », mais là, le « man ». Ouais, tu trouves que ton accent français est absolument… Essentiellement, les Français disaient « aliment ». Un peu comme les ch'tis. Oui, je suis du Nord, ouais. On parle comme ça dans le Nord. Écoute, si j'étais un aliment, je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire le panel, tout de suite, quand même, le panel. Ouais. Parce que j'ai découvert cet aliment il n'y a pas longtemps. C'est mon père un jour qui m'a dit va acheter des panais, genre il y a quelques années. Hein. Et j'ai dit mais c'est quoi un panais? Je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai découvert, et c'est très bon dans la soupe, c'est très bon. Très bon. J'aime bien le panais. Et puis j'en ai un dans le frigo, je me suis dit ça serait bien qu'on l'utilise. Oui, oui. Ouais. Ouais. Si tu étais une saison, on parlait d'Ivaldi. Si j'étais une saison, bah, les quatre ont leur avantage. Franchement, même si elle a plein de défauts, j'aime bien l'été. Ah ouais. Même si maintenant il commence à faire trop chaud avec le changement climatique, la lumière de l'été fait du bien. Et puis ce mois d'août, quand tu le consacres au farniente pendant tu vois, 15 jours, 3 semaines, c'est formidable ce temps que tu prends pour te ressourcer, pour être bien, quand tu peux regarder les étoiles sans penser à ton boulot pour demain. c'est tellement génial quand tu es pas sous pression avec le travail, quand tu te... les vacances, quoi. C'est la saison des vacances, et moi j'aime bien les vacances. Ouais, mais ça fait du bien. Mais l'été aussi, les gens nous font du bien. Parce qu'ils sont plus joyeux. Oui, c'est plus... ça aussi. Ouais. Et les saisons, je veux juste raconter une petite histoire. Ma mère qui avait une triple démence et l'Alzheimer, à la fin de sa vie, je lui ai dit, peux-tu me nommer les quatre saisons? Le printemps, l'été, l'automne et février. C'est fou. Si tu étais, des fois, dans la démence et dans ces états-là, on arrive à... Je disais à ma mère, après la vie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit la survie. C'est fou, hein? Ben, c'est en quelque sorte, c'est vrai, si tu crois en une vie postérieure après la vie. Non, mais c'est ça comme ça. La survie, c'est effectivement c'est ce qu'il y a au-dessus de la vie, quelque part. Je pense que c'est ça, étymologiquement, que ça veut dire, la survie. C'est ce qu'il y a au-dessus de la vie. Ouais. Mais c'était une femme malade, là. Sortir des choses aussi. Ben, ouais, il doit y avoir une. On touche un peu comme Nietzsche, hein? Philosophie à coups de marteau, c'est à force de se rapprocher de la folie, on y touche. Ouais, mais il y a des poches de sens un peu partout. Ouais. Même quand tu vois, là, à Paris, tu sais, c'est truffé de gens qui disent n'importe quoi dans le métro, qui hurlent. C'est pas n'importe quoi. Et ils disent, et dans le n'importe quoi. C'est l'essentiel. Je sais pas si c'est essentiel, mais il y a une part de ce qui se passe dans le monde, tu vois. Il y a des brides de réalité dans un amour de chimère. Voilà. Si tu es un membre corporel. Un membre corporel. Ouais, je vais te dire les oreilles, tout simplement, parce que je sais que c'est avec ça que je me sens le mieux. Il faut avoir l'oreille aussi pour jouer. Ouais, j'aime bien. Pour moi, le son, c'est très important. Et tu sais, quand tu te balades dans Paris, tu es dans une rue, il y a beaucoup de bruit, et il suffit que tu prennes une petite rue, tu fais quoi? 10 mètres. Terminé. Et dans 10 mètres, au niveau acoustique, tout a changé. Oui. Extraordinaire. Ouais, j'adore cette sensation-là. Parce que surtout, la rue est plus étouffée, donc le son. Je ne sais pas acoustiquement par quel phénomène acoustique c'est comme ça, mais en tout cas, c'est formidable de constater d'un seul coup le changement d'atmosphère. Et à tes oreilles, tu n'es plus dans le même monde. Oui, j'adore. C'est vrai. Aimes-tu la musique expérimentale, la musique urbaine? J'aime tout. Les sons. SKRL, avant, diffusait certaines émissions, c'était des bruits sonores. Tu veux dire de la musique électroacoustique? Oui. Ou on appelle ça aussi, ils ont trouvé un autre sens intéressant. La musique électroacoustique. Il y a un deuxième terme, mais je trouve très, très... Écoute, il se trouve que dans 3 jours, je vais voir un des grands monsieur de la musique électroacoustique française, qui est un ami, qui s'appelle Pierre Buzzville-Wald. Oh. Qui est un ami de mon père au départ, mais que j'ai connu, parce que j'ai connu gamin, en fait. Et c'est un mec super, il continue à créer d'ailleurs, hein, il a 80, presque 10 ans, je veux pas lui donner, je crois qu'il est 89 ans. Pierre Buzzville-Wald, il a un nom germanique parce qu'il est alsacien. Est-ce qu'il a fait à un moment donné une trame sonore d'une émission pour enfants? Oh, ben sûrement. Lucky Simon. Sûrement, je ne sais rien. Okay. Mais je ne connais pas exactement son parcours exact, mais il se trouve que c'est vraiment un des pionniers de la musique électroacoustique. Ah, merveilleux. Donc, oui, mon père d'ailleurs a été dans sa classe de musique électroacoustique. Ah. Donc, j'ai baigné un peu dans la musique électroacoustique. C'est beau, ouais. Alors, c'est. Ça t'amène un imaginaire. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Oh, oui. Ça te questionne sur aussi qu'est-ce que c'est la musique, sur comment ça fonctionne, par quel. Ça remet en question plein de choses. Donc, et puis ça a été utilisé par les Pink Floyd, par les Beatles, par plein de monde. Oui, c'est vrai. Dans la musique Gang. Populaire. Ah, tu connais le groupe Gang? Gang, oui. Ouais. Éclaté. Ouais. Il reste un leader, un membre du groupe qui est encore dans le groupe original. Et j'avais une émission le samedi, qui est toujours Errance canadienne, elle existe depuis 18 ans. Et l'émission avant moi, c'était une émission électronique et les gens appelaient pour dire aux animateurs, c'est pas de la musique, il n'y a pas de musicien, c'est un ordinateur. Et je trouve ça intéressant parce que pour eux, la musique doit provenir d'un instrument de musique. L'ordinateur n'est pas un instrument de musique, selon eux. Hein, c'est... Je descends l'escalier, je marche dans le sable, à l'hôtel de la baie, pas grand chose de notable. La mer et des palmiers pour se faire à l'idée que la terre a du cran malgré nos facéties. Devant mes yeux ouverts, l'océan est le même que l'océan d'hier, mais je m'y rends quand même. J'ôte mes vêtements, j'enfile mon maillot, d'abord quelques orteils, puis tout mon corps dans l'eau. Une brasse, un poirier pour oublier pendant que je joue à l'enfant, que mes comptes et le temps. Derrière nos yeux fermés, on est bien tous les mêmes. On ne trouve pas la clé qui règle le problème. La chair de poule, je m'entoure d'une serviette, je contemple la foule, je m'allonge sur le sable, je me laisse bronzer. Quand j'ai chaud, je retourne à l'hôtel de la baie. Derrière mes petits airs, j'ai le blues, j'ai la flemme d'étudier la misère dans les journaux qui traînent. À l'hôtel de la baie, je m'assois dans le bar et j'admire le soir, le soleil qui se barre. Le dîner avalé, je m'en vais me coucher après cette journée où rien n'a avancé. Derrière mes yeux fermés, je rêve de demain où je vais répéter les mêmes gestes en vain. Je descends l'escalier, je marche dans le sable. À l'hôtel de la baie, pas grand chose de notable. Je descends l'escalier, je marche dans le sable. À l'hôtel de la baie, pas grand chose de notable. À l'hôtel de la baie, à l'hôtel de la baie, à l'hôtel de la baie. Oui, oui, voilà. En tout cas, ça permet, la musique électroacoustique permet de se poser la question de la musique. Qu'est-ce que c'est un enregistrement? Comment tu enregistres? C'est quoi la musique? Est-ce que c'est un musicien? Est-ce que c'est un instrument de musique? Est-ce que c'est pas de... Voilà. Et puis, selon les civilisations, tu leur passes du Mozart, ils peuvent trouver ça tout à fait ennuyeux, si tu veux. Donc, voilà, c'est intéressant, le rapport à la musique. À propos de Mozart, même le silence, c'est du Mozart, hein, c'est ça? Qui c'est qui disait ça? Je sais pas, on avait déjà dit ça, hein? Même lorsqu'on écoute du Mozart, le silence, c'est du Mozart. Ah, ben une fois, oui, quand tu écoutes Mozart, effectivement, une fois que tu l'as écouté, le silence est encore du Mozart pendant fou, quelques hein? temps. Ouais. C'est fou. Bien sûr. Oui, oui. Si tu étais un moment de la journée, on l'a pas lancé celle-là, si tu étais un moment de la journée. Non, non on l'a pas eu. Écoute, je vais te dire le matin. T'es enfin, le matin après le café. Hein. Ouais, enfin, pendant le café. Ouais, ouais, t'es plus parlable après. Ouais, ouais. Ouais, le matin, on a les idées claires. Ouais. C'est ce que je préfère, avoir les idées claires. Moi, j'adore ça. Si tu dors bien. Si tu dors bien, quand tu dors mal, ouais, c'est pas terrible. Ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Ben écoute, Vaclav Havel. Qui est-il? Vaclav Havel, c'était le. Il a été. Président, Premier ministre, président, je crois, de la République tchèque. Okay. Au moment de la 91, 89, au moment de la révolution de velours, tu sais, les Tchécoslovaques se sont, bah, sont sortis de la, du giron soviétique. Quoi. Et puis, il a fait en sorte que ça se passe bien. Et c'était un résistant à l'époque, c'était un anti-soviétique, mais qui est resté, je ne sais plus s'il était emprisonné, mais il écrivait des pièces de théâtre, c'était un homme de lettres. Et puis il a été au pouvoir et la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie s'est faite tout à fait pacifiquement. Et on le doit beaucoup grâce à lui. C'est un grand homme européen, voilà. Mais il a beaucoup fait aussi. Et ben, il a beaucoup fait, il a fait politiquement, il a fait littérairement, donc c'est un espèce d'homme complet, c'est-à-dire... Créatif aussi, il y avait... Créatif et actif, ouais. Donc ça c'est formidable, voilà. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Que Vaclav Havel? Non. Je ne pourrais pas. Non, ta vie actuelle, okay, on se parle aujourd'hui maintenant, ah, oui. En février, est-ce que tu fais le même chemin? Oh... Pour moi, si tu veux, ça n'existe pas. Ta question n'existe pas dans le sens où c'est la réalité qui prime sur le reste. C'est pas ce qui aurait pu être. C'est-à-dire, tous les gens qui te disent « Ah, mais ce jour-là, j'aurais pu signer quelque part, puis je ne l'ai pas fait. » Ou j'aurais pu habiter en Australie, puis finalement, je ne suis pas allé. Ouais. » Ben non, mais en fait, c'est la réalité qui gagne. Et après, si tu as voulu, si t'as rêvé d'aller en Australie, tu as encore l'Australie dans ta tête et tu peux faire des chansons sur l'Australie, j'en sais rien. Ça peut rester quelque chose d'important dans ta vie. Mais il se trouve que tu n'es pas allé en Australie. Donc... Alors, tu es victime de tes choix. Tu es victime, c'est la vie, il faut essayer de... Tu sais, Abir dit tout le temps un truc que j'aime beaucoup, en anglais, elle le dit, if life gives you lemon, make lemonade. Et j'aime beaucoup, c'est-à-dire que le citron, c'est un peu, c'est acide et tout. C'est traduisant. Si la vie te donne du citron, fais de la limonade. C'est-à-dire que si la vie te donne un truc un peu acide ou pas chouette, mets à faire un truc sucré avec, tu vois. Non, mais c'est elle. Et c'est super, je trouve. C'est elle qui l'a inventé, ce citron. Je crois pas que ce soit elle, okay. Mais elle a beaucoup d'expressions anglaises, parce qu'elle parle bien anglais, parce qu'elle a vécu aux États-Unis. C'est beau. Mais j'aime beaucoup cette expression. Et je veux pas me plaindre de ce qui m'est arrivé ou ce qui m'est pas arrivé. De tes mauvais choix. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut. Et ça t'a fait. Ça m'a fait qui je suis maintenant et je suis heureux comme je suis. Bien sûr, comme tout le monde, je me plains de plein de choses, mais la vie, elle est belle. On est vivant et on est là jusqu'à ce qu'on va mourir. Donc il faut faire le mieux. Il faut pas regretter quoi que ce soit. Il faut y aller. Quoi. On est surtout dans un pays quand même passablement libre. Ah oui, en France encore. Hein. Passablement. Oui, le Québec aussi, passablement libre. Oui. Même si on nous a montré qu'on pouvait nous mener par le bout du nez pendant 2 ans. Oui, on nous a. Enfin, on est. Oui, on est. C'est-à-dire que même si tu dis une opinion qui n'est pas majoritaire, tu vas pas te faire. Tu vas pas te faire buter quand tu sors de chez toi, même si on va sur les réseaux sociaux, on va te dire que je sais pas quoi. Bon, t'es quand même, tu vas pas aller en prison. Il y a encore de la liberté en France, bien sûr. Quoique chez nous, il y a un dramaturge qui avait écrit un roman et dans ce roman-là, c'est un homme qui était porté vers les enfants. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on doit l'envoyer en prison pour avoir eu des idées aussi saugrenues? Mm-hmm. C'est fou. Le créateur n'était pas... Ah oui, c'est-à-dire que c'est ces idées qui ont été... Oui, c'est complètement fou. Mais, ouais. Mais ce qui en est sorti, c'est qu'il n'a pas été accusé parce que c'était dans un contexte intellectuel, dans un contexte créatif, et même si ça donnait... Si ça doit promouvoir... Ça donnait de la pédophilie. Oui, c'est bon, s'il fait ça, le mec, c'est sûr qu'il va pas être programmé trop, je pense, dans les centres culturels du Québec, mais... Non, mais c'est quand même... Le créateur doit faire attention à ce qu'il dit, mais c'est pas vrai. Sinon, la création, qu'est-ce qu'on y fait? On la met en boîte et on vérifie si on peut l'ouvrir pour pas froisser les oreilles ou... La création, c'est une liberté absolue. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que puis y a plein de créateurs qui n'étaient pas des anges du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on confond beaucoup morale et création, ce qui, effectivement, moi, me semble pas du tout évident. Non. Moi, c'est sûr que j'ai pas envie d'être personnellement amoral dans ce que je fais parce que après, je dois assumer, si tu veux, en public. Parce qu'après, ce qui n'est pas facile, c'est d'assumer. Si le mec assume, si le créateur fait un truc totalement scandaleux et après assume, écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, il fait ce qu'il veut. Hein. Ça, c'est sûr. Pour moi, la liberté doit rester supérieure, effectivement, à la censure. Hein. Et en même temps, le petit chapeau rouge en est un. Alors, oui. Caché. Oui. Ou pas caché, dépendant. Mmh, mmh, mmh. Puis on n'a jamais amené ce gars-là en prison, on n'a jamais... Non, mais c'était quelle époque ça, c'était... Comment il s'appelle encore? Bref. Ah, mais c'est fou. On se croit libre, mais on l'est pas vraiment. Oui, j'ai plus son nom, son nom m'échappe. Richard Desjardins, on est dit, on est en liberté surveillée. Oui. Bien sûr. Alors, c'est pas de la liberté. Et puis là, tout le monde s'épie. Bah, après, la liberté complète, pourquoi faire? Et il faut bien un cadre, il faut bien quelque chose pour dans lequel on. Tu vois, les mœurs, etc., on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas tuer quelqu'un, etc. Il y a des cadres, tu vois, il y a des règles de vie en commun qui aussi nous sauvent. Alors, mais jusqu'où tu les mets, c'est toujours pareil. C'est, les barrières, il faut les mettre à un certain endroit. Donc, c'est là qu'on discute. C'est là qu'il y a des périodes où. Un peu plus conservatrice, plus ouverte, libertaire. C'est normal, c'est un aller-retour civilisationnel. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que c'est normal. Et as-tu beaucoup de projets? Ouais, bien sûr, j'ai plein de projets, bien sûr. Il y a l'album d'Abir, tu sais que je suis son compositeur, Abir. Oui, bah oui. Voilà, donc là, il y a son... Elle prépare quelque chose. Ouais, j'espère que ça va pouvoir se faire, on commence à travailler dessus. Le choix des chansons, ça commence à être plus clair, c'est bien. Et ça, c'est des textes que tu écris uniquement pour elle, c'est pas des textes que tu avais déjà? C'est ses textes. Ok. Mais c'est mes musiques. Okay. En fait, c'est nos chansons. Okay. Mais elle fait les textes, c'est moi la musique. Okay. Parfois, ils sont coécrits, mais c'est surtout ses textes. Hein. Et puis, c'est toujours son. Même quand on coécrit, en général, c'est toujours ses idées. Vraiment, c'est elle qui. C'est l'âme. C'est une femme forte, hein, tu sais. Donc, C'est ça qui m'a fasciné. Mm-hmm. Parce que de ses racines, je trouve qu'elle en a pris les engrais les plus fortes pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça a donné une femme vraiment campée. Ouais. Une femme vraie avec des belles valeurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'ailleurs, on va partir au Liban en mai. On est censé. Okay. On a les billets. Ouais. Ben, moi, je ne connais pas le Liban. Elle va me faire découvrir son pays. Oui. Puis tu sais, on parle d'art, mais je trouve qu'elle a une belle âme. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Ben voilà, on est fans. Ah ben merci d'être passé à mon émission. Ah ben c'est moi qui te remercie, puis, tu rigoles. Puis bravo pour ton album encore. Je suis heureux qu'il te plaise. Et je te suis de près parce que je trouve que tu amènes dans la chanson française un autre souffle, une autre... même si c'est dans la tradition variété française, t'as des mélodies vraiment accrocheuses et t'as les mots qui vont bien avec. Donc, tu sais bien manipuler le yin et le yang. Et c'est ce qui est fantastique, c'est un disque qui rafraîchit. Voilà. Hey, ça me fait plaisir. Mais tu savais que j'adorais ton disque. Tu me l'avais dit, tu me l'avais dit. Ça m'a fait très plaisir. Je t'avais même expliqué certaines chansons qui m'avaient touché. Oui, c'est vrai. Mais quand j'écoute attentivement, comme tu fais aussi avec tes disques. Merci à la revoyure. Merci à la revoyure. Merci, Rénal. Et puis, t'es vraiment à la hauteur de ce que j'imaginais. Un gars sympathique, hyper sympathique. Salut. C'est un peu pareil. Ah, super. Eh ben écoute, tant mieux. Super. Je suis ravi. Je suis très content de t'avoir vu là. Eh ben moi c'est pareil. Parce que ça fait depuis cet hiver que ben non, l'hiver dernier que je voulais te voir. Et tu m'as remis ton disque. Et je l'ai écouté. Ben là, je dis, on peut pas passer à côté en février, même s'il fait froid. Il est jamais trop tard pour bien faire. Puis ben, je vais te laisser à tes occupations, mais je vais prendre des photos. Je croyais que j'étais laid, elle m'a fait me sentir beau. Le temps d'une soirée, le temps d'un baiser. Elle montrait tous les signes extérieurs de tendresse, montrait tous les signes extérieurs de faiblesse. Elle était irlandaise, elle m'a mis très à l'aise, j'étais célibataire, elle était tributaire d'un mari mal choisi, d'un mari mal choisi. Je croyais qu'elle regardait un homme assis derrière moi, mais c'était moi. En somme, qu'elle trouvait très bel homme. Elle montrait tous les signes extérieurs de maîtresse. J'ai émis deux secondes des signaux de détresse. On buvait et on trinquait en chantant en irlandais. J'étais célibataire, elle était tributaire d'un mari mal choisi, d'un mari mal choisi. Je croyais que c'était fait, qu'enfin je l'avais trouvé, la femme de ma vie, la femme qui vous dit. Viens, montrons tous nos signes extérieurs de bien-être, viens, marchons côte à côte, nez à nez, tête à tête. Son mari irlandais pourra-t-elle l'oublier pour me faire sur la terre une place de choix, une place de choix, une place de roi. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.